Anna frappa la porte de Melchior quelques minutes avant l'heure de partir. Il fut surpris par sa tenue classique, qui ne lui ressemblait pas. « Comment vas-tu, petite sœur ?» Comme à son habitude, elle fit le tour de sa chambre en fouillant dans ses objets d'un air distrait. « Ni bien ni mal, » répondit-elle. « Ton amant commence à te lasser ?» Elle rit. « Brugge, c'est un bon amant, si c'est ce que tu veux savoir. » Melchior enregistra l'information tout en notant la perfidie latente de sa remarque. « Non, je ne parlais pas de ça. Je ne fais pas de complexe à l'idée de passer après lui. « Tu as raison, » dit-elle d'un air absent. « C'est un désespéré. » « À ce point. » « Oui, encore un. C'est à croire que je les attire. » « Et toi, comment se passe ton idylle ?»« Très bien, » dit sobrement Melchior. « À ce point ?» demanda-t-elle en souriant. « Oui, » dit Melchior. Anna sembla retrouver un peu d'entrain à la perspective de le passer à la question. « Où en êtes-vous ?» Melchior soupira, mais ne tenta pas de se dérober. « Nous n'avons pas parlé mariage, si c'est ce que tu veux savoir. »« Oh, est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais ?»« Non, » dit Melchior. « Mais tu l'aimes ?»« Je ne sais pas, » dit Melchior. « Quels sont les signes ?»« Est-ce que l'idée de la perdre t'angoisse ?»« Oui, » répondit-il après un temps. « Est-ce que tu penses que ta vie pourrait continuer sans elle ?»« Il le faudra bien, » dit-il spontanément. Sa réponse fit rire Anna. « Pourquoi tu comptes t'en débarrasser ?»« Non, mais tu sais comme moi que rien ne dure toujours. »« C'est vrai, » dit-elle en soupirant. « Si tu veux mon avis, tu l'aimes. »« Dans la faible mesure de tes moyens. »« Mais encore ?»« Tu es un égoïste, Melchior, comme moi. »« Tu n'attacheras jamais le sens de ta vie à un autre être. »« C'est ce que j'appelle une capacité d'amour limitée. » Melchior fixait son nœud de cravate. Il réfléchit un instant. « Tu es trop intelligente pour une femme. » Anna se regarda dans le miroir derrière son frère et fit une moue contrariée. « On m'a prié de ne pas me vêtir de façon provocante. » Melchior sourit en pensant à Olga. « Si la provocation était affaire de vêtements, ça se saurait, » dit-il. Anna lui tapota sur l'épaule. « Serena va nous attendre, » dit-elle. « Je te promets que je ne sortirai pas les griffes. » Melchior sourit et ils sortirent ensemble, conscients tous les deux de la complicité particulière qui les liait.